4 juillet 2012, des cris de joie au CERN et les larmes de Peter Higgs à 83 ans, grâce au grand collisionneur de Hadron, la dernière des particules du modèle standard a été observée expérimentalement. Il s'agit du boson de Higgs, la particule qui donne leur masse à toutes les autres particules. C'est la particule qui a été la plus longue à découvrir. Entre la théorie et l'observation, 48 ans se sont passés, et depuis, plus grand chose, mais ce boson de Higgs pourrait bien être la pierre angulaire de l'ouverture vers une nouvelle physique dès lors que l'on arrivera à le produire à la chaîne. Aujourd'hui, on souhaite un joyeux anniversaire au H0. Boson de Higgs, 10 ans qui pèse, c'est le programme anniversaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à ce boson, de sa formalisation en 1964 à sa découverte en 2012, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphanie Bosseron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche CNRS à l'Institut de physique des deux infinis de Lyon et spécialiste de l'expérience CMS. C'est l'une des deux expériences qui a permis de découvrir le boson de Higgs dans le LHC, le grand collisionneur de Hadron. Et Elisabeth Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse CNRS au Centre de physique des particules à Marseille et membre de la collaboration Atlas. Voilà l'autre expérience qui a permis de découvrir le boson au CERN. Et pour la dernière fois, mesdames et messieurs, sous vos oreilles ébahies, le tout dernier journal des sciences de Natacha Triou. C'est donc avec Natacha Triou, ça tombe bien. Bonjour Nicolas. Bonjour Natacha. Et on commence avec une étude parue hier dans PNAS. Les Australopithèques d'Afrique du Sud sont beaucoup plus vieux que nous ne le pensions. Il y a Lucie, la célèbre Australopithecus afarensis d'Afrique de l'Est, et mise à jour par Yves Coppens qui nous a quittés la semaine dernière. Et il y a Australopithecus africanus d'Afrique du Sud, découvert dans la grotte Sterkfontein, un site qui a livré près de 500 restes d'Australopithèques, la plus riche formation au monde. En 2006, une équipe internationale a redaté Littlefoot, un fossile quasiment complet, et a prouvé qu'il était 1,5 million d'années plus vieux que ce qui était admis. Cette même équipe a repris l'étude stratigraphique de cette grotte. Elle s'est intéressée à Mrs. Pless, Madame Pless, et là encore, les datations n'étaient pas les bonnes. Mrs. Pless a été datée à 3,4 millions d'années, et non pas à 2,6 millions d'années, ce qui signifie qu'elle est plus âgée que Lucie, datée à 3,2 millions d'années, et nous avons donc deux espèces parallèles et concomitantes entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, ce qui prouve qu'en Afrique, deux zones peuvent être considérées comme des berceaux de l'humanité. Laurent Bruxell est géoarchéologue au CNRS et le co-signataire de cette étude. Mon travail a été de reprendre l'étude stratigraphique des dépôts de la grotte, c'est-à-dire la succession des couches qu'il y a. Donc on est dans une ancienne grotte dans laquelle des sédiments, donc des cailloux, de la terre, mais aussi des os sont tombés. Et à la manière d'un sablier, peu à peu, la grotte s'est remplie. Et donc, il faut remettre un petit peu dans l'ordre toutes les couches. Et mon travail était de comprendre pourquoi les dernières études qui avaient été menées sur ces premières datations, sur ces régions-là, avaient donné des dates un petit peu plus récentes que ce qu'on pouvait attendre. Et donc, en fait, dès 2006, j'avais pu montrer, par exemple, en étudiant justement par une approche naturaliste, la succession des couches, que les éléments qu'ils avaient utilisés pour dater étaient venus un peu plus tard dans ces dépôts. Donc, il y avait des formations intrusives plus récentes. Et malheureusement, les dateurs qui avaient étudié ce site avaient utilisé ces éléments pour donner un âge et pas l'ensemble des couches comme nous on l'a fait. Les dates initiales pour ces brèches, ces dépôts de grottes qui emballent les ossements comme Mrs. Pless et les autres Australopithèques variaient de 2,1 millions d'années à 2,6 millions d'années. Mais comme ils avaient daté finalement des dépôts qui étaient plus récents, qui étaient intrusifs, nous reprenant les autres dépôts et les ossements associés, on passe maintenant à une date à 3,4 millions d'années. Et ça, c'est fantastique parce que finalement, même si c'est effectivement un scoop puisqu'on vieillit ces dépôts d'1 million d'années, eh bien, on remet tout ça finalement en cohérence avec l'histoire du site, avec l'ancienneté de Littlefoot en dessous et avec l'histoire des Australopithèques en Afrique en général. Eh bien, grâce à la datation Littlefoot et puis maintenant en plus avec celle-ci, on montre qu'effectivement, on a deux zones en Afrique, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, qui peuvent être considérées comme des berceaux de l'humanité. Et maintenant qu'on a une évolution parallèle, même si on a 4000 km de distance, on peut tout simplement évoquer et même voir confirmer qu'on a un seul et même berceau de l'humanité étudier tout le continent africain. Et ça, ça devient très intéressant puisque maintenant, ça ouvre des perspectives pour aller chercher des fossiles ailleurs. On n'est plus en train de se battre si c'est à droite ou à gauche. On sait qu'il y a un petit peu partout. Et donc maintenant, notre travail de géologue, c'est aussi d'aller identifier des nouveaux berceaux de l'humanité qui ne sont pas connus. Et là, actuellement, on travaille beaucoup, par exemple, au Botswana, on a des grottes qui ressemblent beaucoup, avec beaucoup de fossiles. Et ce n'est pas impossible qu'on ait là bientôt un nouveau morceau du berceau de l'humanité. Voilà, et faut-il vous le répéter encore, vous pouvez retrouver toutes les études du Journal des Sciences, ainsi que plein de liens que nous allons vous poster tout au long de cette émission sur notre fil Twitter, grâce à Noémie Naguet de Saint-Vulfranc. C'est sur le compte @laméthodefc et sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Astrobiology, pour trouver d'anciennes traces de vie sur Mars, il va falloir aller les chercher très en profondeur. Oui, c'est l'inquiétude des chercheurs de la NASA. Pour savoir s'il y a eu de la vie sur Mars, nous sommes à la recherche d'acides aminés, des éléments constitutifs de la vie tels que nous la connaissons. Et ce sont les missions des rovers Curiosity et Perseverance. Sauf que dans des expériences en laboratoire, les chercheurs ont reproduit des conditions martiennes et ont soumis des acides aminés à un rayonnement gamma ionisant pour imiter le rayonnement cosmique à la surface de Mars. Selon leurs résultats, les rayons cosmiques détruisent très rapidement ces molécules. Seuls des acides aminés enfouis à 2 mètres pourraient être préservés. Or, les actuelles missions ne font des forages que de 5 cm de profondeur. Selon une étude parue hier dans PNAS, à nouveau, le changement climatique modifie le calendrier des cycles biologiques des lycaons. Et une équipe américaine a étudié les données démographiques de ce chien sauvage d'Afrique, ou chien hyène, de 60 meutes au Botswana entre 1989 et 2020. Et ils ont comparé ces données à un modèle climatique. Les chercheurs montrent qu'il y a une corrélation étroite entre la hausse des températures et la période des naissances. Avec une augmentation de 3,8 degrés en 30 ans, ces animaux mettent bas plus tard. Les naissances qui avaient habituellement lieu en mai se déroulent à présent en juin pour concorder avec des températures plus fraîches, mais cela a également affecté les taux de survie des chiots alors que cette espèce est déjà menacée de disparition. Et enfin, selon une étude parue dans BMC Biology, notre cerveau partage des points communs avec celui des pieuvres. Une équipe internationale vient de découvrir des similitudes moléculaires entre notre cerveau et celui de deux espèces de pieuvres. Par séquençage génomique, les chercheurs ont découvert dans le lobe vertical de ces animaux la zone responsable de l'apprentissage et des capacités cognitives, ils ont découvert des transposons qui appartiennent à la famille Lin. Ces transposons, ce sont des gènes sauteurs, comme des petits morceaux d'ADN capables de sauter d'un endroit à un autre, actifs dans l'hippocampe, qui sont liés à l'apprentissage et à la mémoire, et que l'on considérait comme spécifique au cerveau humain. Cette analogie moléculaire pourrait peut-être expliquer la remarquable intelligence de ces invertébrés. Et mille merci, mille millions de merci, Natacha, pour ces 4 années de Journal des Sciences, puisque demain, jeudi et vendredi seront des éditions spéciales de fin d'année. On va vous retrouver, Natacha, début août, aux commandes d'Eureka. C'est Antoine Beauchamp qui assurera le qui mois de juillet. En juillet. Et puis, Natacha, surtout, on vous retrouve le 29 août à la rentrée, tous les jours à 16h, pour une toute nouvelle émission scientifique quotidienne dont... N'y croyez bien, je serai le tout premier auditeur. Et puis un mot également pour vous toutes et tous, c'est pour vous remercier des centaines de messages de soutien et d'affection que vous m'avez envoyés depuis hier suite à l'annonce dans Libération de mon départ de Radio France. J'ai vraiment été, comme vous l'imaginez, très ému de toute votre gentillesse et de votre attachement sincère. Et je vous en dis plus vendredi à l'issue de la toute dernière émission de La Méthode Scientifique. Ceci étant dit, on va passer à notre émission du jour en 1964, alors que le modèle standard de la physique des particules n'est pas encore complètement posé. François Englert, Robert Brout et Peter Higgs postulent que pour que certaines particules aient une masse, ce qui est constaté empiriquement, eh bien, il est nécessaire d'ajouter un champ incarné par une particule précise, le boson de Higgs, Englert, Brout, qui donnerait leur masse donc à certaines particules et pas à d'autres. Petit à petit, ce modèle standard s'est non seulement imposé, mais toutes les particules qui le composent ont été découvertes, une à une, dans des accélérateurs et des collisionneurs. Au fil du temps, il finit par n'en manquer qu'une seule, jusqu'en 2012, grâce à un nouvel équipement, le LHC, le grand collisionneur de Hadron du CERN et deux expériences Atlas et CMS, le 4 juillet 2012. Donc, I think we have it. You agree? La joie du directeur général du CERN ce matin à Genève. Rolf Buter Ewer a confirmé la découverte d'une nouvelle particule subatomique qui pourrait être le boson de Higgs. La particule de Dieu semble plus que jamais à portée de main. C'est une étape. Je pense que nous pouvons tous être très fiers, tous être heureux, mais c'est le début. Et je pense aussi qu'il y a une implication majeure pour l'avenir, et cela arrive au bon moment. Nous pouvons être très très optimistes. Merci. L'émotion de Peter Higgs est intense. Pour le physicien britannique de 83 ans, c'est une reconnaissance. Le boson qui porte son nom n'était pas qu'illusion et la nouvelle particule découverte est compatible avec lui. Je suis vraiment stupéfait. Je n'aurais jamais pensé assister à cela de mon vivant, que cela puisse arriver de mon vivant. Au début, il y a plus de 40 ans, les gens n'avaient aucune idée de où il fallait chercher. Voilà la voix de Peter Higgs en 2012 qui voit bien arriver la réalité, l'observation de la particule qu'il avait coprédite 48 ans plus tôt. Une réaction à cette annonce l'une et l'autre, Stéphanie Bosseron. Oui, c'était quelque chose de vraiment intense de voir qu'on avait réussi à finaliser cette découverte. Et effectivement, l'émotion de Peter Higgs était particulièrement sincère, ainsi que François Eckert, qui était également présent. Elisabeth Petit. Oui, c'est aussi des souvenirs avec pas mal d'émotions, parce que ça avait été très intense pour tous les chercheurs quelques jours avant. Et là, on découvrait enfin... cette découverte, donc de très bons souvenirs. Comment expliquez-vous l'une et l'autre qu'il ait fallu autant de temps? Pourquoi est-ce que ça a été difficile, 48 ans entre la prédiction et l'observation, Stéphanie Bosseron? En fait, on n'avait pas les machines qui nous permettaient d'accéder à de telles énergies avec une probabilité de production tellement faible qu'il fallait qu'on multiplie les collisions. On a commencé à le chercher depuis les années 70 pour essayer de le trouver, mais à chaque fois, les machines se heurtaient à la limite de la puissance qu'elles pouvaient fournir et il a fallu attendre vraiment le LHC pour réussir à en produire quelques-uns et du coup à les détecter. Quelque chose à compléter sur ceci, Elisabeth Petit, parce qu'effectivement, on l'a longuement cherché. On peut même ajouter pour l'anecdote que finalement, au LHC, on l'a trouvé presque plus rapidement que ce qu'on imaginait. Oui, effectivement, on l'a trouvé plus rapidement que prévu. Et en fait, une chose aussi, c'est que quelque chose qui n'était pas prédit par la théorie, c'est la masse oui. de ce boson de Higgs, ce qui fait qu'en fait, au début, on ne savait pas où chercher. Et donc, c'est au fur et à mesure, comme disait Stéphanie, qu'on a eu des machines de plus en plus puissantes, qu'on a pu le voir. Mais c'est vrai qu'au final, au LHC, on savait qu'on allait découvrir quelque chose. On ne savait pas si ce serait le boson de Higgs ou si ce serait quelque chose. Mais on avait quand même des certitudes qu'il y avait quelque chose découvrable au LHC. Oui. On peut même dire en quelque sorte que le LHC a été construit pour découvrir le boson de Higgs, c'était Elisabeth Petit. En partie, alors pas seulement, mais il y a une partie dans la conception justement des ce qu'on appelle les détecteurs, donc qui va permettre de voir les particules, qui ont vraiment, le boson de Higgs a servi de modèle pour faire le design de ces détecteurs. On va parler donc de cet anniversaire, de ses 10 ans. On fait un petit retour dans le temps au moment où on a postulé son existence en 1964. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Retour donc en 1964 avec Stéphanie Bosseron et Elisabeth Petit. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Stéphanie Bosseron, où on en est à ce moment, donc en 64, au moment où Peter Higgs, on pense souvent à lui, mais il faut rappeler qu'il n'était pas tout seul et qu'il y avait avec lui François Englert et Robert Braut. Qu'est-ce qu'on sait exactement des particules élémentaires à cette époque-là? En fait, on se pose des questions parce que il y a une multitude de particules qui viennent d'être découvertes, mais on s'attend à ce qu'il y ait une structure, une sous-structure complémentaire. Et cette sous-structure, qui sont les quarks, que maintenant on comprend et on travaille avec, elle n'était pas complètement théorisée à l'époque. Donc on voyait des choses apparaître et des choses qui pouvaient être classifiées d'une certaine manière, donc qui sous-entendait une structure sous-jacente, mais on n'en était pas encore complètement certain à l'époque. On peut dire, pour résumer à grands traits, alors on va évidemment vous renvoyer aux émissions précédentes que nous avions faites sur la physique des particules, mais grosso modo, on classait les particules élémentaires en deux grandes catégories, les fermions d'une part qui sont la matière et les bosons de l'autre. Elisabeth Petit, vous pouvez nous rappeler un peu ce que sont ces deux grandes catégories de particules ? Oui, c'est toujours le cas. Donc, effectivement, donc si on descend vraiment au cœur de la matière, on va avoir les particules, les briques, si je puis dire, de matière, qui sont les fermions, et les bosons, qui, elles, sont des particules qui permettent les interactions entre ces fermions. Donc, le boson le plus connu, c'est le photon, et c'est le photon qui va permettre de propager l'interaction électromagnétique. Donc, par exemple... Quand on met quelque chose en métal dans un champ magnétique et que c'est dévié, en fait, au niveau macroscopique, c'est des photons qui sont échangés. Mmh. Donc voilà. Donc les fermions, c'est vraiment les toutes petites plus petites briques de petits Lego de la matière, et les bosons, ce sont les particules qui sont échangées entre elles. Les bosons sont donc les vecteurs des grandes forces qui régissent le modèle standard de la physique. On les rappelle, hein, l'électromagnétisme, l'interaction forte, l'interaction faible. Et Stéphanie Bosseron, du coup, pourquoi est-ce qu'il manquait ? Qu'est-ce que postulent exactement Braut, Engert et Higgs quand ils postulent l'existence de ce boson ou de ce champ de Higgs? Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il manque finalement cette particule, ou en tout cas cette interaction-là, dans le modèle standard de la physique? Donc en fait, quand tout a été théorisé, le modèle standard ne donnait pas de masse aux particules. Sauf que, de par expérience, on savait que les particules avaient une masse parce qu'elles ne voyagent pas toutes à la vitesse de la lumière. Donc, on le sait fortement par expérience qu'elles étaient présentes. L'avantage du terme rajouté par messieurs Braut, Englert et Higgs, c'est que ça ne changeait rien aux interactions que l'on était en train de dessiner, etc. Par contre, ça permettait à ces particules d'acquérir une masse. Donc, c'était vraiment un rajout à la théorie qui donnait la masse, qui est quelque chose de manquant, mais en même temps sans venir toucher la théorie qui est à l'heure actuelle très fortement testée et fonctionne parfaitement bien. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on dit, c'était le terme le plus élégant pour donner la masse à ces particules. Mmh. Alors, si on va revenir et on va essayer d'expliquer et de bien comprendre tout ça. Mmh. Pour ça, Stéphanie Bosseron, il faut revenir aux tout premiers instants de l'univers, parce que le boson, en fait, c'est l'incarnation de quelque chose de plus large en physique des particules qui s'appelle un champ. Tout champ est incarné plus ou moins par une particule qui en est la conséquence, en quelque sorte. Le boson de Higgs est la conséquence du champ de Higgs. Qu'est-ce que c'est que ce champ de Higgs et pourquoi on a besoin de lui ? Alors, le champ de Higgs, c'est vrai que c'est ce qui nous entoure partout et c'est ce qui va permettre du coup de donner la masse aux particules quand les particules vont interagir avec le boson de Higgs. Il y a une analogie que j'utilise et qui est généralement facilement compréhensible pour les gens. Si on considère que le champ, c'est un nombre de personnes uniformément réparties dans un cocktail, et à l'entrée de la salle du cocktail apparaît, on va dire, Mbappé comme personnalité. Ou Albert Einstein. Voilà. Ou Madonna. Bon, bref, vous choisissez qui vous voulez. Quand cette personnalité va essayer de franchir ou d'avancer dans cette salle de cocktail pour aller servir un verre ou quelque chose, elle va être rejointe par d'autres personnes qui vont du coup ralentir son déplacement. Et du coup, cette personnalité acquiert une masse. Et c'est comme ça que fonctionne le champ de Higgs, entre guillemets. Quand une particule va venir le traverser, elle va interagir avec ce champ et du coup, elle va obtenir une masse. C'est comme ça qu'on décrit les masses. Mmh. Elisabeth Petit, est-ce que vous avez une autre analogie ou est-ce que vous voulez compléter pour qu'on comprenne bien l'importance et la différence qu'il peut y avoir entre le champ de Higgs et le boson de Higgs ? Alors oui, cette analogie est très bien. Une que j'aime bien aussi, c'est de comparer ce champ à un champ de neige. Donc, si vous marchez dans la neige, vous allez avoir du mal à progresser. Si vous avez des skis, vous allez moins interagir avec le champ de neige et là, vous allez sentir plus léger. Et puis, si vous avez un parapente, vous allez voler au-dessus du champ, vous n'allez pas du tout interagir avec lui. C'est comme si vous n'aviez pas de masse. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le boson de Higgs, ce serait une espèce de boule de neige qui roule dans le champ de neige et qui grossit elle-même au fur et à mesure. Donc, c'est voilà ce qu'il faut. Voilà, très bien. Non, mais elles sont très bien ces deux analogies. Ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, toutes les particules, chacune des particules interagit d'une manière différente avec ce champ de Higgs et acquiert une masse différente, ce qui fait que par exemple les photons n'interagissent pas, ils n'ont pas de masse, mais d'autres particules très lourdes interagissent beaucoup et ont beaucoup de masse. Stéphanie Bosseron. Oui, tout à fait. Par exemple, une des dernières particules avant le boson de Higgs qui a été découverte, c'est le quark top. Le quark top a une masse à peu près de 172 GeV. Alors GeV, c'est notre unité à nous standard. Giga électronvolt, mais c'est la plus lourde des particules. Et pour vous donner un ordre d'idée, le quark U, donc qui est également un quark donc de la même famille, le quark up, il fait que quelques giga électronvolts. Donc il y a un facteur plus grand que 100 entre deux différentes particules. Et ça, c'est quelque chose que l'on comprend pas vraiment. Même si on est capable maintenant de comprendre la valeur de la masse, on comprend pas pourquoi est-ce que ces masses sont radicalement différentes. Ça vient des couplages qui sont différents au champ de Higgs, ça c'est clair, mais est-ce qu'il y a autre chose derrière? Parce qu'après tout, dans nos particules, on aime bien avoir toute une série de symétries entre ces différentes particules. Et là, clairement, c'est quelque chose qui n'est pas réellement respecté. Alors, on va vous remettre, si vous ne l'avez pas en tête, effectivement, ce tableau des particules élémentaires sur notre fil Twitter. Et vous allez voir, effectivement, que ce tableau est très symétrique et que cette symétrie est importante. Et d'ailleurs, on va en reparler dans un instant. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, Stéphanie Bosseron, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que, finalement, concevoir ce champ de Higgs, c'est aussi remonter aux tout premiers instants de l'univers? Qu'est-ce qui s'est passé au tout début, avant que les particules acquièrent une masse? Avant que les particules acquièrent une masse. Au tout début de l'univers, en fait. Comment est-ce que ce champ de Higgs a interagi avec les toutes premières particules dans les premières nanosecondes de l'univers? Alors, il y a eu ce qu'on appelle une brisure de symétrie, qui fait que ce champ de Higgs a déterminé une seule valeur, et à partir de là, on a toutes les différentes masses des particules qui ont été générées. Elisabeth Petit, sur cette question? Oui, et d'ailleurs, ça fait partie, justement, on en reviendra sûrement à la fin, de ce qui reste encore à comprendre sur le boson de Higgs, mais c'est ce qui s'est passé à cette, même pas nanoseconde après le tout début de l'univers, que le champ de Higgs avait une valeur nulle, et il s'est passé quelque chose qui a fait que ce champ est devenu non nul, et les particules ont acquis une masse. Et ce mécanisme-là, et comment ça s'est déroulé, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas encore, et qu'on pense pouvoir mieux comprendre en étudiant vraiment précisément ce problème. Oui, alors on est en train de vous perdre un petit peu. Je peux parler bien dans votre micro, Elisabeth Petit, parce que votre voix est très très lointaine. Alors ça, c'est donc pour la théorie, ça c'est ce que théorisent François Englert, Robert Braut et Peter Higgs en 1964. Le tableau du modèle standard, voilà, je cherchais mes mots, du modèle standard de la physique va se compléter dans le courant des années 70. Comment est-on passé progressivement à la découverte particule après particule? Comment est-ce qu'on l'a rempli finalement en quelque sorte ce tableau, Stéphanie Bosseron? Alors, on avait déjà le quark up, le quark down, parce que ça, c'est évident, ça fait partie de nos protons et de nos neutrons. Donc, ça a été observé quasiment immédiatement. Une fois que la théorie des quarks a été posée, elle a été comblée. On a derrière découvert le gypsy, qui a permis de trouver le quark strange, étrange en français. Et son nom vient effectivement du fait que ça a été un petit peu une surprise, parce que c'était avant qu'on ait théorisé qu'il y a six quarks. Et pour l'associer au quark strange, il y a eu le charm. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. Le gypsy, c'est sur le charm. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Désolé. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais avec un tableau devant les yeux, c'est plus simple. Donc, vous n'en faites pas, allez-y. Donc, le strange c'est et ça. Le charm, effectivement. Il y a le charm donc, qui vient se superposer en lien avec le quark strange. Et derrière, du coup, une fois qu'on en a trouvé 4, la théorie nous a dit qu'on devait en avoir 6. Donc, on a continué à chercher et on a trouvé le quark B, donc la beauté, et, ou bottom, bottom pour oui. le bas, voilà. Et du coup, le dernier quark découvert en 95, si je ne me trompe pas, qui est le quark top, en opposition avec Tom Bottom, parce qu'à chaque fois, ils viennent par paire aussi, ces quarks. Encore une fois, je vous suggère, parce que c'est vraiment très parlant de vous remettre devant ces petits tableaux synthétiques des particules élémentaires qui permet effectivement de comprendre bien comment tout cela s'enchasse. Comment est-ce que ça se passe, Elisabeth Petit? Puisqu'on a compris que c'était un niveau d'énergie, une fois que le LEP, puisqu'au début c'était un collisionneur électronique, positron s'est transformé en LHC, c'est-à-dire en collisionneur de hadrons, en collisionneur de protons. Comment est-ce qu'on a trouvé en fait ce boson de Higgs? Parce que il a une durée de vie extrêmement courte. Comment on le voit pas directement? Essayez de nous expliquer un peu en quoi consiste la procédure et comment il est apparu. Alors effectivement, le boson de Higgs, on peut pas le voir directement et on le produit dans nos accélérateurs parce que donc on va grâce à ces accélérateurs, faire ce qu'on appelle des collisions de protons. Donc les protons, c'est les noyaux de l'hydrogène. Et en fait, ces collisions, ça va créer une énergie. Et si on reprend la formule célèbre E égale MC2, à partir de l'énergie E, on peut créer de la masse M. Et donc, en fait, dans ces collisions, on va créer plein de particules. Ça peut être des bosons de Higgs, mais aussi plein d'autres choses. Et ce boson de Higgs, lui, il a une durée de vie très très courte, il est très furtif, et il va se désintégrer dans d'autres particules qu'on connaît et qui vont aller dans nos expériences, ce qu'on appelle les détecteurs. Et en fait, notre travail, ça va être un travail un peu d'enquêteur, c'est de regarder les traces qui ont été laissées par la désintégration du boson de Higgs, et de, à partir de ces traces, suivant le nombre de traces qu'il y a eu, leur direction, tout ça, de comprendre est-ce que dans cet événement-là, ça a été un boson de Higgs ou ça a été quelque autre chose. Et une des grandes chances qu'on a eues, c'est que la théorie prédisait que le boson de Higgs pouvait se désintégrer dans un certain nombre de types de particules, qui fait que ça nous permettait d'avoir justement différentes façons de le chercher et de mettre tout ça ensemble pour voir si ça faisait une image cohérente. Et en l'occurrence, cette image cohérente, on l'a obtenue. Il faut bien comprendre ça. C'est important, je pense, Stéphanie Bosseron, c'est que beaucoup de ces particules ont encore une fois des durées de vie extrêmement, extrêmement brèves. En tout cas, seules. Et donc, on en aperçoit encore une fois que la trace, que les pas dans la neige, en quelque sorte. Oui, c'est ça. En fait, quand on va produire une nouvelle particule, généralement, elle se désintègre avant même d'arriver dans notre détecteur. Et ce qu'on va observer dans notre détecteur, c'est simplement les produits des désintégrations de cette particule. Et les produits des désintégrations, ce sont les produits des désintégrations dans des particules stables. Donc, on peut avoir une cascade, une désintégration en cascade de particules qui sont instables, donc on ne va pas pouvoir détecter. Mais par contre, à la fin, on a toujours un certain nombre de particules stables. Donc, la manière dont on travaille, c'est que quand on cherche un phénomène précis, un phénomène nouveau, on va faire une simulation à partir de la théorie qui nous dit, voilà, vous allez produire de telle manière telle particule. Et la théorie va aussi nous dire, cette particule doit se désintégrer de telle manière. Avec cette simulation, on la passe dans la simulation de nos détecteurs et du coup, on va regarder quelles sont les traces que l'on doit observer dans notre détecteur pour observer le processus que l'on cherche à la base. Le seul problème, c'est que ces traces, ça peut être aussi laissé par d'autres phénomènes qui proviennent du modèle standard et qui ne correspondent pas au processus que l'on cherche. Donc, en fait, ce qu'on cherche, c'est vraiment une aiguille dans une meule de foin avec le signal que l'on cherche, donc qui peut être un boson de Higgs, mais aussi d'autres choses, et la meule de foin qui est tous les autres processus du modèle standard, certains qu'on a étudiés depuis les années 60, mais qui sont toujours présents, et qu'il faut qu'on arrive à séparer entre le signal et le bruit de fond. Oui. D'où des calculs relativement intenses. C'est un temps pour faire ces recherches qui n'est pas de l'immédiateté. Pour avoir juste un ordre de grandeur, on arrive. Il faut combien de collisions, la collision de combien de particules pour arriver à produire de manière certaine un boson de Higgs à la louche, hein, vraiment, je vous demande pas à la virgule près, loin s'en faut. Mais qui veut répondre, Stéphanie Bosseron, vous avez une idée de ça? Je n'ai pas les chiffres en tête, Elisabeth, Elisabeth parce que Petit? ça doit être 1 milliard. Oui, je crois que c'est ça. Oui, alors, si je ne me trompe pas dans les chiffres, on a à peu près 1 000 millions de collisions par seconde et on attend un boson de Higgs toutes les heures ou toutes les 2 heures. Oui, donc c'est beaucoup plus que ça. Et voilà, c'est à peu près, je pense, quelque chose comme une chance sur 200 millions. Enfin, on ferait mieux de jouer au loto plutôt qu'espérer avoir un boson de Higgs dans une collision de nous. Mais l'avantage, c'est qu'avec le CERN et le LHC, on gagne contrairement au loto. En tout cas, on a gagné en 2012 l'observation de ce boson de Higgs. On va regarder, on va examiner ensemble ce qui s'est passé depuis 2012, parce que ça n'était pas tout que de l'observer, ce boson. Il a fallu en comprendre beaucoup de caractéristiques. Et c'est ce que nous allons vous raconter dans quelques secondes musicales. Collision de Lena and the Floating Roots Orchestra à 16h35 sur France Culture. Nous parlons de collision et de quelles collisions, celles qui ont permis de découvrir le boson de Higgs au CERN il y a quasiment 12 ans, jour pour jour, puisque c'était le 4 juillet 2012. Nous en parlons avec Stéphanie Bosseron, qui est chargée de recherche CNRS à l'Institut de physique des deux infinis de Lyon et spécialiste de l'une des deux expériences qui a permis de découvrir ce boson de Higgs, l'expérience CMS, et Elisabeth Petit, chercheuse de CNRS au Centre de physique des particules à Marseille et membre de l'autre expérience, la collaboration Atlas au CERN. Alors peut-être une question avant d'entendre le reportage pour vous deux, puisque je le disais, la découverte du boson de Higgs a marqué à la fois la fin d'un voyage, mais également le début d'un autre, puisqu'il restait encore beaucoup de choses à apprendre de ce boson. Quelles étaient les choses que l'on a cherchées depuis 2012, Stéphanie Bosseron? Alors, on a cherché à bien caractériser pour savoir si la nouvelle particule qu'on avait vue était bien le boson de Higgs. parce que généralement, comme je vous ai dit, on s'appuie sur une simulation. Donc on savait que les traces correspondaient à la simulation, mais l'inverse n'était pas forcément, la réciproque n'était pas forcément vraie. Donc il a fallu le caractériser. Le premier a été son spin, son type de rotation, parce que c'est quelque chose d'extrêmement spécifique pour le boson de Higgs, il est de spin zéro. Donc ça, en regardant certaines désintégrations, etc., que l'on a pu observer, on a pu mesurer la valeur de son spin pour s'assurer qu'effectivement c'était correctement un boson de spin zéro. Après, on a regardé aussi sa largeur. Bien évidemment, faire une mesure extrêmement précise de sa masse, et ça, on est toujours en train de le faire. Et puis, les couplages aux différentes autres particules que l'on étudie à l'heure actuelle. Un mot là-dessus également, on va reparler évidemment de sa masse parce que c'est très important. Et également, une question qui s'appelle l'autocouplage, mais on va revenir dans quelques minutes, Elisabeth Petit, sur cette question. Oui, là, je pense que Stéphanie a bien fait tout le programme de l'étude du boson de Higgs en lui-même. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que le fait d'avoir découvert cette particule, ça nous a aussi donné des idées pour chercher d'autres théories qui ne seraient pas de modèle standard, qui impliqueraient ce boson de Higgs. Donc c'est aussi tout un autre champ qu'on fait dans nos expériences, de chercher quelque chose qui n'est pas la théorie du modèle standard et qui implique un boson de Higgs. On va rediscuter de tout ça, mais pour commencer, l'une des premières et intéressantes expériences sur ce boson de Higgs, c'est, on en parlait tout à l'heure avec vous Stéphanie Bosseron, la question de sa désintégration, en l'occurrence une désintégration particulière en deux quarks bottom. Elle a été observée en 2018. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour votre tout dernier reportage, vous êtes rendu dans votre endroit préféré d'Île-de-France. C'est pas évident de transmettre la parole une dernière fois comme ça. En tout cas, un grand merci Nicolas pour tout. Voilà, Antoine, je me suis rendu à Orsay, où j'ai rencontré Nicolas Morange, qui est chercheur en physique des particules au laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie, et qui est membre de l'expérience Atlas au CERN. Nicolas Morange a reçu la médaille de bronze du CNRS en 2020 pour ses travaux de recherche sur le boson de Higgs, et notamment pour cette mise en évidence de la désintégration du boson en deux quarks B. Il nous explique comment lui et ses collègues ont relevé le défi de l'observation de cette désintégration, et les pistes que cette découverte ouvre concernant notre compréhension du boson de Higgs. Moi, je me suis particulièrement intéressé à un de ces modes de désintégration, qui est la désintégration en une paire de quarks B, qui a été un peu difficile à mettre en évidence et qu'on a observé pour la première fois en 2018, donc 6 ans après la découverte originale. Quelles ont été les principales difficultés justement à mettre en évidence cette désintégration du boson de Higgs en deux quarks bottom ? Alors, ça peut paraître surprenant, mais en fait, c'est la désintégration la plus fréquente du boson de Higgs, et de loin. Et pourtant, ça nous a pris très longtemps à la mettre en évidence parce que il y a ce qu'on va appeler un grand bruit de fond sous le signal qu'on veut mesurer. Ce qu'on va appeler du bruit de fond, en fait, c'est d'autres produits de collision proton-proton au LHC qui conduisent à des particules détectées dans nos détecteurs, donc extrêmement proches de ce qu'on recherche. Et pour cette désintégration en paire de quarks B en particulier, ce niveau de bruit de fond, il est très élevé et donc c'est compliqué d'obtenir, enfin de visualiser le signal. Et il faut accumuler beaucoup de données et mettre en œuvre des techniques expérimentales assez avancées pour réussir à faire sortir cette observation. Quelles techniques, par exemple, vous ont permis de nettoyer ce bruit-là pour mettre en évidence cette désintégration ? Alors, une technique expérimentale très importante, c'est d'essayer de savoir si ce qu'on va appeler un jet, donc un quark dans le détecteur, est vraiment un quark B ou un autre quark plus léger. Donc expérimentalement, on peut le distinguer, mais c'est pas facile. Et donc on a besoin de techniques extrêmement avancées pour savoir si un quark est un quark B ou pas. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose très importante, c'est de mettre en œuvre vraiment des techniques de machine learning, d'intelligence artificielle relativement avancées pour, on va dire, corréler l'ensemble des signaux qu'on observe dans le détecteur et savoir si ça vient de ce qu'on recherche ou si ça vient d'un autre processus qui lui ressemble. Alors, à partir de ce que vous avez mis en évidence, donc mise en évidence qui vous a valu quand même la médaille de bronze du CNRS, félicitations au passage, qu'est-ce qu'on tire comme fil pour d'autres travaux de recherche ? Qu'est-ce que ça nous apporte comme information, cette mise en évidence de la désintégration du boson de Higgs en deux quarks B ? C'est vraiment à mettre en relation avec l'ensemble des recherches qui sont effectuées sur le boson de Higgs. C'est vraiment, on a un puzzle avec beaucoup de pièces. Cette pièce-là a été très importante parce que, comme c'est le mode de désintégration le plus probable, ça a des conséquences quand on met ensemble la totalité de nos mesures pour aller ensuite vraiment mesurer la force des interactions entre le boson de Higgs et les autres particules du modèle standard. Et donc voilà, c'est vraiment l'ensemble du contexte qui est intéressant. Et ensuite, ce qui est vraiment intéressant, donc, c'est de regrouper l'ensemble des résultats des mesures dans tous les canaux que l'on recherche. Canaux qui se différencient à la fois par la manière dont le boson de Higgs est produit et par la manière dont il se désintègre. Et donc la combinaison de l'ensemble de ces canaux, c'est ça qui nous donne la représentation, l'image la plus précise et la plus complète du boson de Higgs aujourd'hui. Donc c'est votre pierre à l'édifice que vous avez apporté en mettant en évidence cela. Est-ce que vous poursuivez ces travaux autour du boson de Higgs? Il va y avoir un troisième run de collisions à venir. Quels vont être vos travaux à vous autour du boson de Higgs, si tant est qu'ils tourneront directement autour de ce boson? Ou bien voilà, comment vous allez poursuivre votre chemin de recherche autour de ce boson-là? Personnellement, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que j'ai fait des études autour du boson de Higgs, d'abord avant sa découverte, puis depuis sa découverte. Donc là, il est temps pour moi de faire un petit pas de côté, pas très loin, puisque donc le boson de Higgs, c'est la pierre angulaire de ce qu'on appelle la théorie électrofaible, qui unit les interactions électromagnétiques et interactions faibles. Et je vais m'intéresser à un autre aspect de cette théorie électrofaible, qu'on appelle les processus de diffusion de bosons vecteurs, qui permettent de regarder cette théorie dans des recoins à très haute énergie où elle n'est pas encore très bien connue. Et on espère potentiellement trouver de la nouvelle physique. Mais ce faisant, indirectement, en fait, ça permet aussi d'apprendre des choses sur le boson de Higgs. Ce qui est tout simple à dire, c'est que aujourd'hui, on a à notre disposition environ 30 fois plus de bosons de Higgs que ce qu'on avait le jour de la découverte. Et donc avec 30 fois plus, forcément, on a une vision bien plus précise de l'ensemble de ses propriétés, de sa masse, de la manière dont il interagit avec les autres particules du modèle standard. Et de cette manière-là, on peut vraiment aller tester en détail les prédictions de la théorie et voir s'il y a des déviations qui indiqueraient des problèmes dans la théorie du modèle standard. La semaine dernière, dans notre émission, on parlait aussi d'un projet, alors là c'est vraiment au long cours, de FCC, de ce grand collisionneur de 100 km de diamètre, qui est à l'état de projet bien sûr actuellement. Comment est-ce que on pourrait intégrer cette question du boson de Higgs à ses attentes autour du FCC concrètement? Voilà, est-ce que le boson de Higgs va être aussi encore plus percé à jour par ce potentiel FCC, sachant qu'on ne sait pas s'il verra le jour ou pas? Oui, alors c'est un projet très ambitieux qui personnellement m'intéresse beaucoup, auquel je contribue un petit peu. C'est la machine de rêve pour étudier en détail le boson de Higgs à l'horizon quelques dizaines d'années. Ça permettra de produire quelques millions de bosons de Higgs, mais je vous parlais de bruit de fond tout à l'heure. Cette fois-ci, le bruit de fond, il est quasiment inexistant. Et donc, on peut vraiment exploiter chaque collision en détail, et ça va nous permettre de gagner vraiment des ordres de grandeur sur la mesure des propriétés de bosons de Higgs. Et c'est très complémentaire avec ce qu'on fait au LHC. Le LHC permet d'aller regarder des modes du boson de Higgs très rares. Le FCC permet d'aller regarder des modes qui sont expérimentalement plus difficiles, qu'on ne peut pas faire au LHC. Et donc ça va permettre de mesurer certaines propriétés qui sont inaccessibles complètement au LHC. Et pour d'autres propriétés, comme les interactions avec des particules qu'on peut regarder au LHC, ça va nous faire gagner des facteurs ou des ordres de grandeur vraiment sur la précision de nos mesures, et donc vraiment pousser en détail cette compréhension du modèle standard. Voilà, un petit mot pour vous Antoine Beauchamp tout de même, puisque c'était votre dernier reportage. Comme vous le savez maintenant toutes et tous, la formule va changer à la rentrée. Donc Antoine, permettez-moi de vous dire que ce fut un plaisir de vous écouter vous balader aux quatre coins de France du plateau de Saclay pendant 6 ans. Hautement partagé Nicolas. Et rappelons qu'on vous retrouve dès lundi prochain à 16h pour tout un mois de réca. Absolument, et on va commencer avec l'invention de la combinaison spatiale. On déroulera dans la première semaine, si je ne dis pas de bêtises, avec l'héliocentrisme, la découverte de l'atome. Il y aura aussi d'autres petites saveurs gastronomiques. On va parler de l'invention de la gastronomie, de la découverte de la pomme de terre et bien d'autres sujets tout aussi passionnants les uns que les autres. Eh bien, nous serons bien évidemment à l'écoute. Merci pour tout, Antoine. Merci à vous, Nicolas. Je me retourne vers mes deux invités, Stéphanie Bosseron et Elisabeth Petit. Une réaction peut-être à ce reportage et à cette étude autour de la désintégration du boson de Higgs. Stéphanie Bosseron. Alors, effectivement, on comme Elisabeth l'a déjà dit, on ne connaissait pas la masse du boson de Higgs à laquelle on devait le chercher. Et en fonction de sa masse, ce boson de Higgs va avoir différents canaux de désintégration. Donc maintenant qu'on l'a trouvé, on connaît quelle est la fraction des événements qui doivent apparaître dans un état final, dans un certain type de désintégration plutôt qu'une autre. Et on connaît ça par la théorie, mais du coup on confronte nos mesures expérimentales à ce que la théorie nous donne pour vraiment s'assurer que c'est vraiment un boson de Higgs. Elisabeth Petit sur ce reportage. Oui, alors très, très belle analyse, très compliquée comme Nicolas a modestement souligné. Mais en fait, justement, ça, c'est une des dernières mesures qu'on a faites au bout de 10 ans. Parce qu'en fait, justement, on dit que le boson de Higgs interagit avec différentes particules et on essaye de mesurer cette interaction. Et donc là, pour l'instant, on a mesuré cette interaction aux autres bosons, donc le boson W et Z notamment, mais aussi à ce qu'on appelle la troisième famille des particules. Donc, pour les gens qui visualisent la table, en fait, c'est pas un jeu des sept familles, mais on a trois familles de particules. Donc, la première, la deuxième, la troisième. Et pour l'instant, justement, avec cette dernière mesure, on a pu mesurer l'interaction du boson de Higgs avec toutes les particules de cette troisième famille qui sont le leptonto, le quark top et le quark B. Mmh. Donc ça, c'est une espèce de... Voilà, on a fini ce bout du puzzle, comme disait Nicolas, avec les données enregistrées juste ici. Mmh. L'autre élément important, et vous l'évoquiez l'une et l'autre, parce que ça a donné lieu à plusieurs séries de mesures qui s'approchaient toujours un petit peu plus près, c'est la question de la masse de ce boson de Higgs. On l'a dit, ce boson de Higgs, ce fut une surprise. Il est plus léger que ce que l'on imaginait. On pensait qu'il serait plus lourd. Il est aux alentours de 125 gigaélectronvolts. Pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui, Stéphanie Bosseron, de connaître précisément sa masse? Les mesures les plus précises aujourd'hui sont une approximation de 0 à 0,1%, ce qui est relativement précis, mais pas si précis que ça en physique des particules. Exactement, parce qu'en fait, il y a une corrélation entre la masse du W, la masse du quark top et la masse du boson de Higgs, qui nous est donnée par la théorie. Et on s'attend à ce que, en ayant une mesure précise, on puisse avoir cette corrélation qui est définie. Donc avant, on essayait de contraindre la masse du W et la masse du quark top pour nous donner une fenêtre sur le boson de Higgs, mais cette fenêtre restait quand même relativement large, de quelques centaines de GeV. Donc on n'avait pas réellement de précision. Maintenant qu'on va être capable d'avoir cette mesure précise, on va du coup avoir cette corrélation qui va devenir de plus en plus précise. Et si les trois ne sont pas en accord, ça peut nous donner des pistes vers au-delà du modèle standard, parce qu'on sait que le modèle standard, même s'il fonctionne très bien, on sait que ce n'est pas notre théorie finale. On sait qu'il y a des choses au-delà du modèle standard et c'est ce qu'on continue à chercher également au LHC. Oui, bien sûr. Ce qui est important, et je vous renvoie d'ailleurs à l'émission que nous avions faite la semaine dernière sur le FCC, puis on va en reparler dans un instant du FCT. Mais ce qui est important, Elisabeth Petit, de comprendre, c'est que ces mesures de précision, elles sont très importantes parce que l'on pense que c'est précisément dans ces très très petits décalages à très très petite échelle que l'on peut trouver justement les portes d'entrée, des toutes petites portes d'entrée certes, mais les portes d'entrée vers ce qui serait les apories de ce modèle physique, ou en tout cas vers le point de départ d'une façon de compléter ce fameux modèle standard. Oui, effectivement. Donc, pour l'instant, les mesures qu'on a faites sont compatibles avec le modèle standard, mais en fait, ce qui compte, c'est la précision à laquelle on mesure et comment ça se compare à la théorie. Et donc, pour l'instant, on mesure, par exemple, les couplages avec des précisions entre quelques pourcents et 20%. Oui. Et or, on sait que donc d'autres modèles qui seraient plus vaste que modèle standard, prévoirait des déviations de l'ordre de quelques pourcents. Donc il faut vraiment atteindre des précisions meilleures que quelques pourcents pour pouvoir voir des déviations à la théorie. Sur cette question, ou en tout cas sur ce postulat de la faible masse du boson de Higgs, j'ai lu quelque chose, une théorie en tout cas intéressante, si vous pouvez m'en dire un mot l'une et l'autre, c'est la théorie du Big Crunch, une théorie selon laquelle, à ses tout débuts, l'univers était en fait un ensemble de nombreux univers, mais que tous ceux avec un Higgs trop lourd se seraient effondrés, alors que ceux contenant un Higgs léger ont survécu à cet effondrement. On est à quel niveau de spéculation sur cette théorie du Big Crunch, Stéphanie Bosseron? Il me semble que le Big Crunch a été exclu, mais je ne suis pas complètement certaine là-dessus. Elisabeth, est-ce que... Elisabeth Petit ? Non plus, c'est vrai que c'est des belles expériences de pensée, ouais. Sûrement très très très sérieuses, mais là je ne peux pas vraiment commenter. Alors on va passer à autre chose qui est tout aussi passionnant, c'est la question de donner, en fait, de considérer ce boson de Higgs comme une particule, alors ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, hermaphrodite, c'est en fait la question de l'autocouplage, puisque le boson de Higgs ayant lui-même une masse, eh bien ça veut dire qu'il se transfère ou qu'il se donne lui-même sa masse, et ça, pour le moment, on a du mal à en faire l'expérience, ou en tout cas à en trouver des traces observationnelles dans les actuels collisionneurs. Vous pouvez m'en dire un mot, Stéphanie Bosseron ? Effectivement, on fait des recherches d'autocouplage du boson de Higgs, parce que ce serait très intéressant de le mesurer, encore une fois, pour être une fenêtre potentielle vers des phénomènes au-delà du modèle standard. Mais ces phénomènes sont extrêmement rares et nous n'avons pas encore accumulé suffisamment de collisions pour avoir la chance d'en observer ne serait-ce que quelques phénomènes. Peut-être qu'on en a 3 ou 4, mais chez nous, c'est pas suffisant pour être capable de dire que statistiquement, on a observé un tel phénomène. Donc on continue à mettre des limites, on raffine aussi nos techniques d'analyse, hein, de manière à identifier un maximum de ces signaux, mais à l'heure actuelle, on ne place que des limites par rapport à ce que l'on s'attend réellement. Elisabeth Petit, sur cette question de l'autocouplage, ce serait un phénomène tout à fait nouveau en termes de physique des particules, et pour le coup, ça nous ferait avancer d'un cran dans la complétude, ou en tout cas dans la connaissance finalement de ces mécaniques d'attribution de masse par le boson de Higgs. Oui, c'est ça. On parlait du début de l'univers et qu'est-ce qui s'est passé à ce tout début de l'univers, pourquoi ce champ de Higgs a acquis cette valeur. Et justement, en fait, en mesurant cet autocouplage, on pourrait essayer de comprendre justement comment s'est passée cette, on va appeler une transition de phase en physique, donc cette transition. Est-ce que ça a été une transition douce, comme par exemple quand vous faites chauffer doucement de l'eau et puis s'évapore, ou est-ce que c'était une transition plus radicale, vous faites chauffer de l'eau, des bulles apparaissent et là on a ce changement de phase. Donc voilà, en fait, comprendre cet autocouplage, ça permettrait de comprendre ce qui s'est passé. Et le lien qui est aussi très intéressant avec la cosmologie, c'est que suivant justement certains modèles, si cette transition a été brusque et non pas continue, ça aurait pu produire des ondes gravitationnelles, ouais, primordiales qu'on pourrait peut-être observer un jour dans nos détecteurs aussi. Donc ouais, là, on est en train là on n'est même plus en train de faire une description complète de l'infiniment petit, mais on fait l'infiniment petit et l'infiniment grand ensemble. Oui. Alors, si on regarde maintenant un peu vers le futur, avant le FCC, qui ne va certes pas entrer en service immédiatement, il y a déjà une amélioration du LHC, le LHC haute luminosité. L'ambition est de créer 10 fois plus de collisions. Est-ce que aujourd'hui on nourrit un espoir que ce LHC haute luminosité produise suffisamment de Higgs pour nous permettre de voir certains de ces phénomènes que vous venez de décrire, comme par exemple l'autocouplage, ou pour affiner encore un peu plus les questions relatives à la masse? Qu'est-ce qu'on peut en attendre, Stéphanie Bosseron? Effectivement, le HLLHC, qui est la phase d'après, va nous permettre d'augmenter la quantité de collisions d'un facteur vraiment très impressionnant. Et à ce moment-là, on devrait commencer à pouvoir atteindre les autocouplages du Higgs et continuer du coup à chercher aussi toutes les autres recherches au-delà du modèle standard que l'on fait en parallèle des mesures de précision que l'on peut faire sur le Higgs. Comme quoi, par exemple, vous en avez eu quelques-unes en tête dont vous pourriez nous donner des exemples? Par exemple, moi je travaille sur le vector-like quark qui se désintègre en un quark top et un boson de Higgs. Et évidemment, j'ai commencé cette recherche une fois que le boson de Higgs a été plus ou moins découvert. Donc c'est des types de particules qui sont prédites par différents modèles théoriques et qui nous permettraient d'expliquer des phénomènes au-delà du modèle standard, mais qu'à l'heure actuelle, on n'a pas réussi à découvrir parce que les probabilités de production sont relativement faibles, plus on estime que la masse de ces particules est élevée. Donc il nous faut de plus en plus de collisions pour pouvoir atteindre des masses de plus en plus élevées sur ces particules que l'on recherche. Mmh. Un mot également, Elisabeth Petit, on disait dans cette émission consacrée au FCC la semaine dernière que l'intérêt aujourd'hui du CERN et d'autres d'ailleurs organismes de recherche, notamment au Japon ou aux États-Unis, c'est de produire des usines à Higgs. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'en produire autant? Qu'est-ce que ça veut dire, ces usines à Higgs? On a besoin d'en produire autant parce que, pour l'instant, donc on a pu voir les modes de désintégration principaux, mais il y a des modes de désintégration beaucoup plus rares. Donc je parlais des familles, là on a vu la troisième famille, mais la deuxième, voire la première famille, là c'est quelque chose de tellement rare parce que ces particules sont tellement légères que leur interaction est très très faible et donc ça arrive très peu souvent. Donc voilà, je parlais de l'auto, en fait on achète beaucoup de tickets de l'auto pour essayer d'avoir une chance de voir ces processus très très rares. Oui. Un mot là-dessus aussi, Stéphanie Bosseron, sur cette notion d'usine à Higgs qui a l'air d'être vraiment le centre de la recherche des futurs accélérateurs et des futurs collisionneurs qui sont en construction ou en projet de construction. Et en fait, c'est aussi relié au phénomène au-delà du modèle standard que l'on cherche. On sait qu'ils sont là, on a des signes, mais par contre, il y a énormément de théories qui peuvent expliquer l'ensemble de ces signes. Donc, si on arrive à aller plus dans un canal particulier, si on voit un certain type d'interaction sur le boson de Higgs avec certains types de particules, ça va pouvoir nous aiguiller dans une certaine direction. Donc, c'est aussi pour ça, dès qu'on a découvert une nouvelle particule, il faut qu'on l'étudie à fond pour vraiment comprendre toute sa finalité et toute sa théorie qui est sous-jacente. Et pour le faire, on a besoin d'une multitude. Là, à l'heure actuelle, le LHC aussi produit des millions de quark top et on continue à étudier le quark top, bien qu'il ait été découvert en 95, parce qu'il nous révèle des choses et il pourrait être aussi un vecteur pour les théories au-delà du modèle standard. Donc c'est normal de vouloir produire des millions de ces particules de Higgs pour pouvoir vraiment l'identifier avec des précisions qui sont inférieures au pourcent, parce que c'est ce qu'on a besoin. Eh bien écoutez, merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Merci Stéphanie Bosseron, merci Elisabeth Petit d'être venue souffler les 10 bougies de ce boson de Higgs, de nous avoir rappelé l'importance des recherches en physique des particules et de ce qu'il nous reste encore à découvrir. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette heure. La méthode scientifique, c'est donc Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Naguette-Saint-Villefranc, Eve Etienne, Amel Boucherka, Antoine Beauchamp, Hélène Trigueros à la réalisation et Dimitri Paz à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast, vous le savez, sur l'application Radio France et en réécoute sur le site de franceculture.fr, et ce à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.